donneront à des organismes communautaires. Courez pour aider. Une collaboration de SDC 3e Avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. CKRL HD. Une radio haute décibels. Voilà. Bruno est un petit peu inquiet, là, mais je suis là. Bienvenue à Terre Incognita en ce beau samedi du mois d'août. Comme d'habitude, deux bonnes heures de rock progressif. Quelques nouveautés, dont la première pièce qu'on va écouter dans quelques instants, là, Wisdom of Crowds, un projet du guitariste-chanteur de Pineapple Thief et du chanteur de Catatonia. Donc, c'est assez chaud, là. Oui, ça vient de sortir, oui, à peu près. Wisdom of Crowds. On aura aussi Anima Mundi, le nouveau, un groupe cubain. Et oui, il y a même du prog à Cuba. Je ne sais pas ce que Fidel en pense, mais il y en a. Et puis, bien d'autres choses. Donc, restez avec nous ce soir. C'est Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit. Terre Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Out your hand. I'm not sure what is the plan. All at once I see the truth's all around. You won't see me letting go. Everything we've found, this is our life. And these are our days. And I love this air that we both haven't saved. These are our fears. Just keep them inside. We won't give in. And we will not die. All at once I see the truth's all around. You won't see me letting go. Of everything we've found, this is my life. You are my friend. We won't give up. Well, not till the end. So these are our fears. Just keep them inside. We'll c'est ce qui joue sans arrêt dans ma voiture depuis un mois. Je pense que ça faisait ça. C'est il y a environ un mois, on écoutait justement ce disque, Not a Good Sign. Je vous présentais le disque, je venais de le recevoir d'Italie. Et ben, si je l'écoute encore, c'est bon signe. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore tout absorbé de ce disque qui est vraiment excellent d'un bout à l'autre. Not a Good Sign. Et c'était, le disque a pour titre Not a Good Sign. Et la pièce a pour titre Not a Good Sign. Donc, moi, c'est ça sur ma feuille, c'est marqué N-A-G-S, N-A-G-S, N-A-G-S. Mais non, trêve de plaisanterie. C'est un de mes disques d'été. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas, comme on dit en québécois, pogné de quoi de même. C'est très bon. Et les gars ont même réussi à faire une superbe pièce prog en 3 minutes et quelques poussières. Et c'est ce qu'on va écouter d'ailleurs après la pause publicitaire. Vous m'en donnez des nouvelles. C'est vraiment 100% prog, mais ça dure 3 minutes et quelques. Et puis, ben, on avait écouté avant Anima Mundi de Lamplighter, leur plus récent disque. Comme je vous disais tantôt, un groupe de Cuba. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui jouent du prog, qui présentent du rock progressif à Cuba. D'après, j'en connaissais un autre qui n'existe plus dans les années 80, mais je pense que c'est pas mal. Ça doit être assez rare dans le coin. Et on avait débuté avec Wisdom of Crowds, avec le seul projet de Bruce Swords de Pineapple Thief et Jonas Renkse de Catatonia. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, on a quelques petits messages d'intérêt public et on vous revient avec une autre pièce de Not a Good Sign. Tout ça, évidemment, c'est sur les ondes de CKRL et c'est l'émission Terrain Incognita, Bruno et Michel jusqu'à minuit. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de $25 d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de $200. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici 3 façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Et finalement, par PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant. Vous avez le goût de faire de la radio depuis longtemps? Vous êtes toujours à l'affût des nouveautés musicales et voulez partager vos découvertes avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2013-2014. Pour présenter votre projet, rendez-vous sur notre site Internet dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Faites vite, vous avez jusqu'au 12 août. Une expérience que vous ne regretterez pas. Premier arrivé, premier servi. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Like a soul.

Got a light in her eyes, took me by surprise with a beautiful smile. And she would never say a word, hide the lock with a golden key. So share the secret, I smile, send me a little sometime. The trip to the moon, forbidden fruitcake with the Waiting. Take them for granted. You mankind. Ça nous vient de Californie, ou en tout cas, à tout le moins des États-Unis. Ouais, je viens de penser à ça. Peut-être du Texas. Earth of Instinct, c'est leur second disque, Conjure. Vous avez peut-être remarqué, là, il y a quelques petites références à King Crimson. Le premier disque était aussi dans ces eaux-là. Celui-ci, oui, on en retrouve, mais le groupe est en train de se détacher tranquillement de ce son King Crimsonien. Et c'est assez intéressant. Peut-être, je vous dirais que j'ai encore un faible pour le premier quand même, peut-être à cause des invités qu'il y avait sur le premier, donc Pat Mastelotto. Mais très bon. Conjure, instrumental en bonne partie. Et puis, il est maintenant membre du groupe, il y a le claviériste de Jam Garrett qui fait partie de Earth of Instinct maintenant. Tout juste avant ça, là, j'ai trouvé ça cette semaine. Je faisais un peu de ménage. Il y en a qui vont me dire, hein, du ménage, oui, dans mes disques. Parce que ceux qui sont déjà venus chez nous savent que, tu sais, des fois, c'est un exploit de retrouver quelque chose. Mais je suis tombé, d'ailleurs, ça explique pourquoi je suis tombé sur ce disque. You Were Spiraling, ça remonte à 1994. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu, celui-là. Et c'est le tout premier disque du claviériste Tom Brislin qu'on ne peut pas entendre après ça avec Spiraling, mais ça c'est pas plus connu que You Were Spiraling. Mais le groupe le claviériste a aussi joué avec Yes, Renaissance et puis Camel aussi. Donc c'était les tout premiers pas de Monsieur Brislin sur disque You Were Spiraling. Un autre chose que j'ai comme découvert. 515, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Six Dimensions of the Electric Camembert. J'adore ce groupe-là. D'ailleurs, Vincent, j'ai fait découvrir à Vincent ce groupe un certain soir, je me rappelle. C'était la musique du Faubourg, le défunt musique du Faubourg. Je pense que je vais en reparler avec Vincent la semaine prochaine. Et il y avait aussi Active Aid. Ça nous vient d'Italie, Vision from Realities, et on avait débuté avec la toune parfaite de Prague de 3 minutes 19 secondes, de Not a Good Sign, c'était Almost. Je pense que j'exagère pas quand je dis que c'est vraiment une des belles tounes Prague que j'ai entendues, avec le Mellotron et tout, excusez l'expression, tout le kit, mais c'était vraiment excellent, et c'est en 3 minutes 17, 19, donc la démonstration qu'on peut faire du prog, bref. Mais on l'aime long quand même. On peut quand même admettre que c'est un bel exercice. Là, Bruno me regarde. Je pense que c'est le temps que je vous laisse. On vous revient, nous, après la pause, avec un Américain, Jeff Hamel, qui se fait, on peut dire en québécois, Jeff Hamel, qui est connu sous le nom de Majestic. On vous revient avec un extrait de son plus récent disque, V.O.Z. CKRL 89.1, Québec. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien.

are drunk with demonic delusions. What is right and what is wrong? Karma in an ocean of joy. Our most cherished and long felt desire. Streets and houses, eyes covered up themselves with ancient songs which tug the heart and fill the eyes. He knows there is a reason. There's got to be a reason for the girls. Thank you. separate the schools, dividing streets and houses, eyes covered up with wool, delude themselves with ancient songs, which tug the heart and fill the eyes. He knows there is a reason. There's got to be a reason for the cause. The cause. The cause. Concision tantôt, mais en voulant un qui est assez concis, merci, c'est Active Aid. C'est la deuxième pièce qu'on écoute, mais on peut se le permettre parce que c'est rare qu'il dépasse le 2 minutes et quelques. Donc, un Italien, c'est son premier disque, Umberto. Donc, Active Aid est le titre du disque, Vision from Realities. C'est ça, je vous disais, il n'y a pas vraiment de longue pièce. Je pense que la plus longue, elle dure 3 minutes quelques, là, la durée. Là. Donc, il y a une belle collection de pièces, mais il y en a peut-être 15 ou 16 sur le disque. Et bien, c'est ça, c'est un... Je pense qu'on le met dans le prog, là, mais effectivement, on pourrait peut-être tirer un peu d'un bord ou de l'autre. Enfin, ça nous vient d'Italie, là. C'est le prétexte, ça nous vient d'Italie. Donc, juste avant, on avait Comedy of Errors, de leur plus récent Fanfare and Fantasy. I Hurt Live in USA, c'était la pièce de Creation. Et on avait amorcé le tout avec Majestic, VOZ,

she's traveling her endless story. Millions of faces, golden rays, tales of glory. No one saw. Truth, the highest secret for Round and round and round, looking for a platform. storm. Navigate the channels, lead us safely home. We'll be right back. Un coup d'œil dans le rétroviseur, ça c'est pour introduire l'autoroute. Donc c'était Steve Lage, vous l'avez peut-être reconnu. Steve Lage, ça vient de sortir, mais c'est pas des enregistrements récents. C'est Live in England, 1979. C'est un CD et un DVD. Je pense que c'est inédit à ce jour, donc. C'était une version de la pièce de Donovan, le Hurdy-Gurdy Man. Tout juste avant, on avait Abel Gance, Shooting Albatross. C'est probablement leur meilleur disque. Ça fait, j'attends encore qu'ils récidivent avec quelque chose du même calibre. Donc, Shooting Albatross. Et on avait donné le coup d'envoi de cette dernière demi-heure avec Anima Mundi, The Lamplighter. C'est vrai que... trois pièces. Ça paraît que c'est une émission de prog. Dernière demi-heure, trois pièces. Bon, juste pour vous dire que personnellement, j'étais très content de mettre la main sur ce Stevie Lage. J'adorais dans les années 80 là, ce qu'il faisait, le bonhomme. C'est vraiment spécial. Space, un mélange de space, d'électronique et la guitare, évidemment, là, à l'avenant. Stevie Lage, donc, le Live in England. Je pense que, mon Dieu, c'est probablement le temps que je vous laisse. Je suis en train de jaser de Steve Lage, mais je vois que le temps passe. Quelques messages et tout de suite après, mais ce sera l'autoroute et Stéphane va être probablement au rendez-vous dans Bruno, peut-être une demi-heure. Bon, Bruno, il dit qu'il ne sait pas, là, mais il va être là. Ça, c'est sûr. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Terre Incognita, Michel et Bruno ce soir. Bonne nuit sur nos ondes. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Shank et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e Avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Voici Mikey G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mikey G, je suis